Cette exposition va durer pendant 15 jours. Je ne sais pas ce que je vais faire pendant les vacances. Je serai absent pendant 2 semaines. Il va faire froid pendant 2 jours. Les chauffeurs de bus vont faire la grève pendant 5 jours. Ma voiture est en panne. Je vais devoir prendre le métro pendant toute la semaine prochaine.